Page 18. Quel est le plus grand désert du monde? Le pronom « on ». Vocabulaire. Je prête. Tu adores. Il aide. Elle visite. On devine. Nous trichons. Vous cachez. Il pratique. Elle continue.